Prêtre. Extrait d'article du philosophe d'Holbach. On désigne sous ce nom tous ceux qui remplissent les fonctions des cultes religieux établis chez les différents peuples de la terre. Le culte extérieur suppose des cérémonies dont le but est de frapper les sens des hommes et de leur imprimer de la vénération pour la divinité à qui ils rendent leurs hommages. La superstition ayant multiplié les cérémonies des différents cultes, les personnes destinées à les remplir ne tardèrent point à former un ordre séparé qui fut uniquement destiné au service des autels. On crut que ce qui était chargé de soins si importants se devait tout entier à la divinité. Dès lors, ils partagèrent avec elle le respect des humains. Les occupations du vulgaire parurent au-dessous d'eux, et les peuples se crurent obligés de pourvoir à la subsistance de ceux qui étaient revêtus du plus saint et du plus important des ministères. Ces derniers, renfermés dans l'enceinte de leur temple, se communiquèrent peu. Cela dut augmenter encore le respect qu'on avait pour ces hommes isolés. On s'accoutuma à les regarder comme des favoris des dieux, comme les dépositaires et les interprètes de leur volonté, comme des médiateurs entre eux et les mortels. Il est doux de dominer sur ses semblables. Les prêtres s'y remettent à profit la haute opinion qu'ils avaient fait naître dans l'esprit de leurs concitoyens. Ils prétendirent que les dieux se manifestaient à eux. Ils annoncèrent leurs décrets. Ils enseignèrent des dogmes. Ils prescrivirent ce qu'il fallait croire et ce qu'il fallait rejeter. Ils fixèrent qu'il déplaisait ou plaisait à la divinité. Ils rendirent des oracles. Ils prédirent l'avenir à l'homme inquiet et curieux. Ils le firent trembler par la crainte des châtiments dont les dieux irrités menaçaient les téméraires qui oseraient douter de leur mission ou discuter leur doctrine. Pour établir plus sûrement leur empire, ils peignirent les dieux comme cruels, vindicatifs, implacables. Ils introduisirent des cérémonies, des initiations, des mystères, dont l'atrocité peut nourrir dans les hommes cette sombre mélancolie, si favorable à l'empire du fanatisme. Alors, le sang humain coula à grands flots sur les autels. Les peuples, subjugués par la crainte et enivrés de superstition, ne crurent jamais payer trop chèrement la bienveillance céleste. Les mères livrèrent d'un œil sec leurs tendres enfants aux flammes dévorantes. Des milliers de victimes humaines tombèrent sous le couteau des sacrificateurs. On se soumit à une multitude de pratiques frivoles et révoltantes, mais utiles pour les prêtres, et les superstitions les plus absurdes achevèrent d'étendre et d'affermir leur puissance. Exempts de soins et de préoccupations, et assurés de leur empire, ces prêtres, dans la vue de charmer les ennuis de leur solitude, étudièrent les secrets de la nature, mystères inconnus au commun des hommes. De là, les connaissances si vantées des prêtres égyptiens. On remarque en général que chez presque tous les peuples sauvages et ignorants, la médecine et le sacerdoce ont été exercés par les mêmes hommes. L'utilité dont les prêtres étaient au peuple ne put manquer d'affermir leur pouvoir. Quelques-uns d'entre eux allèrent plus loin encore. L'étude de la physique leur fournit des moyens de frapper les yeux par des œuvres éclatantes. On les regarda comme surnaturels, parce qu'on en ignorait les causes. De là, cette foule de prodiges, de prestiges, de miracles. Les humains étonnés crurent que leurs sacrificateurs commandaient aux éléments, disposaient à leur gré des vengeances et des faveurs du ciel, et devaient partager avec les dieux la vénération et la crainte des mortels. Il n'en est point ainsi des contrées éclairées par les lumières de la raison et la philosophie. Le prêtre n'y oublie jamais qu'il est homme, sujet et citoyen.